C'est avec vous, Fabienne Chauvière, les inattendus de la science. Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. On dit parfois, loin des yeux, loin du cœur. En tout cas, pas chez les cigognes qui peuvent se montrer très fidèles. Écoutez donc cette belle histoire. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous ? Depuis 2002, Clepton, une cigogne mâle, parcourt des milliers de kilomètres depuis l'Afrique du Sud où il passe l'hiver pour retrouver en Croatie Malena, clouée au sol avec une aile brisée. Blessée par un chasseur, Malena a été découverte en 1993 dans un étang par un gardien d'école. L'homme l'a adoptée, lui a construit un nid et l'emmène même pêcher. Et il assiste chaque année au retour de Clepton, qui est équipé d'une bague. Clepton est arrivé cette année le 29 mars. 62 petits sont nés des accouplements. Une fois qu'il a appris à voler à la nouvelle couvée, Clepton repart vers la fin du mois d'août près du Cap, à 14 500 km de sa chérie. Mon cœur hors de lui-même s'oublie et se souvient seulement qu'il vous aime. Belle histoire, hein ? Belle histoire d'amour chez les cigognes. On s'intéresse aux Gaulois, ils aimaient le vin, mais pas seulement le vin. Il semblerait qu'ils le parfumaient au cannabis. Les fouilles du site de Sébazat en Auvergne font actuellement l'objet d'une exposition au musée Bargoin de Clermont-Ferrand. On y trouve, entre autres, des tombes de chiens et un vase qui a contenu du vin infusé au cannabis. Les Gaulois ont testé toutes sortes de choses dans le vin pour l'empêcher de tourner, du plâtre, de l'eau de mer, des herbes aromatiques, comme le chanvre donc. On sait que les Gaulois achetaient leur vin aux Romains, mais on ne sait pas si les Gaulois recherchaient un effet particulier avec le cannabis. Tu sais préparer la potion magique ? Avec les orientales herbes. Allez, faites tourner le verre. On part au Cambodge à présent avec vous, Fabienne. Le Cambodge où les tarentules sont menacées. Est-ce que vous savez à cause de quoi, Eric ? Dites-nous. Eh bien, à cause des touristes qui les mangent. Eh bien. Je suis actuellement au Cambodge et je vais manger une tarentule. Au Cambodge, la tarentule grillée fait partie du menu depuis longtemps. La curiosité des touristes pourrait mettre l'araignée en danger. Certains touristes, en effet, viennent spécialement à Skun, la ville des araignées, pour son marché, où l'on peut croquer ces fameuses tarentules. Le croustillant de la chair serait exceptionnel. La tarentule est cuisinée avec de l'ail et du sel. Elle coûte environ 1 euro sur le marché. Cette araignée est victime de la déforestation et de la chasse donc, qui n'est pas encore réglementée. Ça va, c'est pas mauvais. Voilà, le croustillant de la tarentule. Vous voulez goûter ? Non, sans moi. Faites-vous plaisir. On s'intéresse aux couche-tards maintenant. Les couche-tards ont un risque de mortalité plus élevé que ceux qui se couchent tôt. Mais voilà qui devrait vous rassurer, Eric. Oui. This is the rhythm of the night. L'étude qui vient d'être publiée s'est intéressée à près d'un demi-million d'habitants du Royaume-Uni. On leur a demandé de se définir plutôt du matin ou plutôt du soir. Conclusion de l'enquête, les noctambules qui essaient de vivre dans un monde du matin se mettent en danger. Il se pourrait que leur horloge biologique ne corresponde pas à leur environnement. Ces couche-tards ont plus tendance à souffrir de diabète, de troubles neurologiques, gastro-intestinaux et respiratoires. Il est difficile de devenir couche-tôt quand on est couche-tard car c'est en partie génétique. Selon les chercheurs, les couche-tards devraient pouvoir bénéficier d'une plus grande flexibilité d'horaire de travail pour commencer et finir plus tard. On peut toujours rêver. Frédéric Becbédé, 9h05, c'est le moment de vous retrouver. Bonsoir tout le monde. J'arrive directement du Montana, une discothèque parisienne qui ferme très tard. Et pour les matinaliers comme nous, Patricia, mieux vaut se coucher tôt, mais ce n'est pas toujours le cas. Non.